musical. L'histoire du soldat avec la compagnie Père Poc. Le cirque de Charlie Chaplin, un ciné-concert. Pierre et le loup avec François Morel. Zorbalov et l'orgue magique. Le samedi ou le dimanche à 11h, un concert dans l'auditorium en famille sans s'ennuyer. Réservation maisondelaradio.fr. Prochain rendez-vous le 8 octobre à 11h avec l'Orchestre Philharmonique pour découvrir l'histoire du soldat de Stravinsky. Bonjour cher Nagui. Eh non, c'est Leïla Ali, je sais que vous êtes déçu. Mais non, pas du tout, au contraire. Moi non. Vous savez que je vous aime Leïla. Oh, j'adore ces déclarations d'amour comme ça en direct. Moi aussi je vous aime Laetitia et Ali, je vous aime aussi. Bon, le programme quand même. Justement, on va recevoir Thierry Lhermitte, Bernard Campan pour le syndrome de l'Écossais, une pièce de théâtre. Bonne émission. Je peux pas venir te voir Ali dans ton studio et en même temps être dans le mien. C'est vrai, vous étiez là tout à l'heure. Bonne émission. On a failli rester tout seul. Failli être à l'heure aussi. Ouais. Il est 11h45 secondes, je pense à terre. Oui. Bonjour, pardon. Le Flash, Laetitia Gaillet. Même profondément réformées depuis 2003, les retraites des fonctionnaires vont continuer de peser sur les finances publiques. Dans les années à venir, elles dépasseront les 58 milliards d'euros de 2014. C'est ce que dit aujourd'hui un rapport de la Cour des comptes. Selon cette même Cour des comptes, si l'on veut que la retraite des fonctionnaires reste soutenable pour les finances publiques, il faudra passer par une hausse des cotisations. Les syndicalistes dans le viseur de la direction de la SNCF, c'est Sudrail qui l'affirme aujourd'hui. Les procédures disciplinaires se multiplieraient contre les militants syndicaux qui ont été actifs lors des grèves contre la loi travail ou lors de la défense des conditions de travail des cheminots. Le troisième syndicat du groupe relève ainsi une centaine de cas dans ses rangs. Sudrail demande aujourd'hui l'arrêt des sanctions internes. Le syndicat organise d'ailleurs un rassemblement de soutien à un militant Gare de l'Est à Paris. Soutien à un syndicaliste qui risque une mise à pied. La direction de la SNCF lui reprocherait notamment d'avoir empêché des non-grévistes d'aller travailler en juin dernier lors d'une manifestation à Lille. La direction de la SNCF n'a pas souhaité commenter les affirmations de Sudrail. Je soutiendrai François Hollande s'il est candidat à la présidentielle. Ce matin sur France Inter, Claude Barthelone assure que le chef de l'État peut se réinstaller. Selon le président de l'Assemblée nationale, en ce moment en France, on juge le président par rapport au candidat. On le jugera bientôt en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il propose et pas comparé à ses promesses de 2012, toujours selon Claude Barthelone, mais par rapport à ce que propose la droite. Des violences hier soir à Bastia, 4 policiers blessés lors d'incidents avec plusieurs dizaines de jeunes nationalistes corses. Cela fait suite aux réquisitions lors d'un procès à Paris où les auteurs présumés d'un attentat contre la sous-préfecture de Corte en 2012 étaient jugés. Le ministère public de la Cour d'assises spéciale a requis 6 à 8 ans de prison contre ces 3 militants de jeunesse indépendantiste. Des cocktails Molotov ont été lancés à Bastia, des bennes à ordures incendiées, une voiture partiellement brûlée. Il n'y a pas eu d'interpellation. En Pologne, le parti conservateur au pouvoir pourrait bien revoir sa position sur la proposition de loi visant quasiment à interdire l'avortement dans le pays. Face à la mobilisation ces derniers jours des femmes polonaises, il a été contraint déjà de revoir sa position. Le ministre de la Science l'a même dit « La protestation nous a donné une leçon d'humilité », dit-il. Le texte a été rejeté en commission hier soir et il pourrait l'être définitivement aujourd'hui au Parlement lors d'un vote. Enfin, le bateau des femmes qui se dirigeait vers Gaza pour dénoncer le blocus israélien sur l'enclave palestinienne est à Ashdod en Israël. Il a été intercepté hier soir par les autorités de l'État hébreu. Une quinzaine de femmes étaient à bord, dont le prix Nobel de la paix, Meirid Magir. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30. Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous. Avec Philippe Bertrand. Les carnets dans le Doubs. Aujourd'hui, une plateforme de mobilité solidaire de Besançon qui met au point un accompagnement au déménagement social. Il ne s'agit plus de faire des cartons, mais d'aider des personnes fragilisées par le changement. Et puis nous parlerons, avec le magazine Village, de la nouvelle génération des viticulteurs au naturel. Carnet de campagne, Philippe Bertrand, tout à l'heure sur France Inter, à 12h30. France Inter, on aime, on vous en parle. Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. Miss Peregrine et les enfants particuliers, le nouveau film de Tim Burton avec Eva Green. It's time for you to learn what you can do. I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Un monde mystérieux où des enfants particuliers peuvent vivre pleinement leurs différences. Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. Retrouvez Miss Peregrine dans les émissions de France Inter. Miss Peregrine, une fable onirique de Tim Burton, actuellement au cinéma. Un film France Inter. C'est la bande originale. Nagui est là, tous ses amis, tous ses copains, ah, tout le monde. Oui, voilà, le problème, c'est que Daniel Morin est en train... Daniel Morin est en train de feuilleter le calendrier Brigitte Lahaie 2017. C'est pour vous dire dans quel état il est, voyez. Bon, bah, bon courage. Oui, merci pour cette émission, Laïla. Voilà. C'est exactement ça. Merci, t'as qu'à faire un calendrier. Hein, voilà. On parlera de toi. Voilà, hein. Moi, j'ai pas envie qu'on parle de moi dans un calendrier. À tout à l'heure, midi, pour d'autres infos. Merci, Laetitia Gaillet. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Allez, range ce calendrier maintenant. C'est quel mois le mieux? Oh, les mois d'été, tenez, je vous le passe. Ah, regardez, les cadeaux, alors. Tu lui offres? Non, je vous le prête. Ça m'étonnait aussi. Fou, tu t'en sépares. Thierry Lhermitte et Bernard Campan reviennent sur scène après les 120 représentations remplies de succès de public pour le syndrome de l'Écossais. Revenir avec une pièce sur une deuxième saison, est-ce que ça s'aborde d'une manière différente? On change des choses, Bernard, Thierry? On répète. Bah déjà, il faut se remettre dans le... On n'est plus dans le réflexe. Moi, j'avais l'impression, quand j'ai vu sur le planning une semaine de répétition, je me suis dit, mais c'est trop. Et puis, en fait, non. Il faut se remettre dedans. Et puis, on en profite aussi pour dire, bah tiens, ça, j'aimerais bien, on aimerait bien le changer. Donc voilà, ça change un petit peu les choses. Ouais. Maréchal Ganache, avez-vous compris pourquoi Thierry Lhermitte et Bernard Campan sont nos invités? Affirmatif, monsieur Nagui. Tout simplement parce que le 13 janvier 2016, vous aviez déjà reçu messieurs Lhermitte et Campan dans votre bande originale. D'ailleurs, tout à l'heure, avant l'émission, alors que vous m'aidiez à m'extirper des toilettes très mal équipées sur mon fauteuil roulant, vous m'avez dit textuellement, je vous cite, « Maréchal, j'espère que les auditeurs ne se rappelleront pas trop que Thierry Lhermitte et Bernard Campan sont déjà venus dans l'émission cet hiver pour présenter cette pièce. Mais vous comprenez, les faire revenir, ça m'arrange, parce que j'ai gardé les fiches que me rédigent mes 5 assistantes, avec écrit dessus toutes les questions que je leur avais déjà posées. De toute façon, comme ce sont deux vieux cabots, ils seront contents que je leur mouille la compresse comme la dernière fois, et ils adoreront que je leur redise que dans cette pièce, ils sont formidables, drôles et même émouvants. J'espère juste que Leïla Kadour-Boudadi donnera le change en ne refourguant pas un vieux brouillon de culture. Même si Bernard et Thierry ne voient que du feu et s'en foutent, ça serait sympa, mais préfère dire les calendriers, qu'elle se renouvelle un peu. Je veux se renouveler un peu. Alors je sais, vous me direz, mon cher Nagui, mais vous étiez là aussi, Maréchal, le 13 janvier dernier. C'est vrai. Mais tu as vu la décolleuse à papier peint pendant que tu y es? C'est vrai, mais à l'époque, je ne jouissais pas encore du CDI qui m'a été récemment accordé par M. Galette. Galet, on dit Galet. Galet, on prononce toutes les lettres en français. Mais non. Un CDI qui me permet désormais d'intervenir. C'est M. Nagui. Ça, je l'ai entendu. Désormais d'intervenir. Taisez-vous ! Qui me permet d'intervenir à ma guise et sans limitation de mon temps de parole dans votre émission. Mais comme ma mission, ce début de programme, c'est le pitch, comme on dirait chez les cons, cette mission, messieurs, quand je l'accepte, eh bien, moi, je l'accepte. Alors ouvrez bien vos cages à miel. Le syndrome de l'Écossais, que vous interprétez avec brio, messieurs, et qui pourrait s'intituler tout aussi bien l'alcoolo, l'impuissant et les deux potiches, parce qu'il faut quand même dire que vous réservez toutes les bonnes répliques dans votre pièce. Votre pièce nous raconte un dîner de famille qui tourne mal et apporte la preuve que de beaux frères peuvent s'entendre aussi bien qu'un vétéran patriote comme moi et un Viet Cong fourbe des faubourgs de Hanoï. Mais le syndrome de l'Écossais désigne aussi le penchant de Bruno, interprété par Thierry Lhermitte, pour le whisky. C'est quand même autre chose, le whisky, que toutes les liqueurs pour bonnes femmes et tapettes servies dans vos cocktails mondains, monsieur Nagui, ou le fioul frelaté des pots de départ en retraite de France Inter. Je parle même pas de l'amicale des enfants de grévistes de la station. Je dirais donc... je ne sais plus où j'en suis, que votre personnage, Thierry, a un penchant pour le whisky qui m'évoque celui du capitaine Haddock pour le Loch Lomond. Haddock qui, lui aussi, cache ses bouteilles dans des livres. Et on a marché sur la lune, peut-être vous vous souvenez. Et puisque j'évoque le capitaine Haddock, j'ai un excellent ami que vous connaissez bien, Albert Algou. Le dictionnaire amoureux qui Tintin. Qui publie un livre absolument formidable, qui paraît aujourd'hui, où il est entre autres question des origines de l'alcoolisme du capitaine Haddock. Il s'agit du dictionnaire, je le répète, amoureux de Tintin publié chez Plomb. Et du plomb dans ma vie et dans mon fondement, il y a ça si j'en ai reçu, contre les Fellows, contre les Viettes. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours mal quand je suis assis. Et comme Albert Algo a l'élégance... Albert Algo a l'élégance, oui, la modestie et la pudeur de ne pas vouloir vanter lui-même à l'antenne son livre, faire une auto-promo scandaleuse et éhontée. Et qui serait puni d'ailleurs par le CSA. Voilà, parce que, voilà, un livre qui est à la fois drôle, érudit et très personnel. Eh bien, je profite qu'il soit sorti de sa studio, Albert Algo, pour vous offrir, Bernard et Thierry, à chacun un exemplaire dédicacé. Merci, Maréchal. À votre attention. Merci, Maréchal. Ça, c'est gentil. Qu'il comptait merci vous remettre en toute discrétion. Ah, possible. Je voudrais dire, Algo, c'est un type bien et il en a dans le froc. Merci, Maréchal. Le syndrome de l'Écossais est donc au Théâtre des Nouveautés avec, vous avez raison de le préciser, deux comédiennes, Christiane Millet et Florence Darel, parce que le point de départ est l'anniversaire de l'une et l'autre étant la sœur. Enfin bref, c'est une histoire de famille où Bernard Campan et Thierry Lhermitte se retrouvent à un moment seul, et oui, ils commencent à attaquer la bibine. Et on va pas dévoiler, d'ailleurs il faudrait me dire jusqu'où on peut aller dans l'histoire, et à quel moment il faut s'arrêter. Le quiproquo, on peut pas le dire. D'accord, parce que, mais on peut au moins dire que l'alcool aidant avec, mélangé avec des médicaments, finalement tout va être révélé, tout va sortir. Et oui, si tu veux, on peut le dire, oui. Enfin, bah, tu l'as dit, de toute façon. Il est question d'alcoolisme et de kilt. Ouais, et voilà. Bah, alors, donc, bah, le personnage de Bernard part en vrille complètement qu'est-ce que je raconte là, il part en vrille, mais comme toute personne alcoolisée, il y a certains délires, il y a certaines vérités et un flou. Ouais. Des inhibitions qui tombent. Aussi, je sais que ça vous a plu, ça. Reprendre une pièce qui a eu un énorme succès, c'est un plaisir, c'est un danger, c'est un défi. J'espère que ça va continuer, quoi. Surtout, c'est ça qui... Moi, je suis très content de reprendre, parce qu'effectivement, quand ça permet d'élaguer les trucs qui étaient moins bien, et puis de préciser, puis ce qui est inquiétant, c'est quand tu te demandes s'il va y avoir autant de monde, mais bon, ça part bien. Vous êtes encore inquiet? Ouais. C'est vrai? Thierry, t'inquiète pas, Bernard. C'est pas un danger de reprendre une pièce qui a marché, c'est un danger de reprendre une pièce qui n'a pas marché. Là, oui, c'est un danger. Mais oui, c'est vrai. On est quand même pas. Pardon, une pièce qui n'a pas marché, ça ne se reprend pas. Par contre, une pièce qui a marché, quand on la reprend, je comprends la situation de Thierry, il ne faut surtout pas te décevoir. On est gâtés, on a été gâtés, ça a été plein tout le temps, ça rigolait beaucoup. Imaginez que les gens aient changé de. Je sais pas d'esprit qui rigole plus du tout. Ce soir, c'est la première. Alors justement, ça sent la cata, moi je dis. Vous disiez, ils ont l'air prêts en tout cas. Vous disiez, Bernard, que vous aviez retravaillé pendant une semaine. Ouais. Vous coupez donc des scènes, vous rajoutez aussi d'autres situations, des propositions. C'est un jeu. C'est plutôt la mise en scène. C'est Jean-Louis Benoît qui. Tout le monde, de tout le monde, on retravaille des petites choses. Parce que dans le feu de l'action, tous les soirs, bon. Une pièce évolue, mais elle évolue beaucoup parce que souvent on improvise et on garde des choses qu'on a improvisées. Mais il y a des petites choses qui restent insatisfaisantes et qu'on n'a pas trop le temps de retravailler, revenir en arrière. Tandis que là, l'occasion nous est donnée de reprendre des choses à zéro, dire bah ça, je suis un peu insatisfait, allons-y. Alors, mise en scène, de tous les côtés, ça, les idées affluent, quoi. Et les retrouvailles se sont passées comment? Parce que il y a eu un temps sans la pièce, ouais. Retour. Est-ce qu'on se sent plus à même. On s'est reconnu, hein. Ouais, parce que vous avez ce problème-là, Thierry Lhermitte. Les filles non plus. Vous avez ce problème, Thierry Lhermitte, de ne pas toujours reconnaître le visage. Tu parles. Hein, on a fait un petit déjeuner chez Isabelle Lenouvel. C'était très. Non, c'était super sympa. Isabelle Lenouvel étant l'auteur de cette pièce. Et d'ailleurs, vous qui avez joué avec de nombreux textes, est-ce qu'on reconnaît quand c'est une plume féminine ou masculine qui écrit une vanne, une situation? Ça se sent ou pas? Je peux pas dire, moi. Alors là, j'en sais rien. Votre troisième invité qui va venir tout à l'heure, elle a lu la pièce, il faudrait lui demander si elle a fait attention à ça. Moi, je ne me rends pas compte. Moi, je ne saurais pas dire, non. C'est Christine Marsan qui sera tout à l'heure notre invité. Je croyais que c'était... Non. Christine, on a mis une photo en attendant de Brigitte Lahaye, mais je... C'est le mois de novembre. J'ai hâte que Christine soit là plus tôt. Moi aussi, quand je vois la photo. Non, tout à l'heure, nous parlerons, oui, de changer de vie, parce que c'est justement aussi l'un des aspects de cette pièce, sans révéler encore une fois ce qui se passe. C'est la remise en question qu'il peut y avoir dans des vies installées, parce que tout démarre sur la suffisance de votre beau-frère. Vous l'accueillez pour l'anniversaire de votre femme, mais avec le couple, mais il vous saoule d'avance parce qu'il sait tout, il connaît tout. Il y a un personnage imbuvable qui est épouvantable, effectivement. Imbuvable, c'est la bonne expression pour la pièce. Et sa femme a fait le projet de partir, de tout larguer. C'est un businessman, il est assez fortuné, de tout larguer, de donner tout ce qu'il a et de partir dans une sorte de pseudo-secte post-68arde. Voilà, elle va dévoiler ça au cours de cette soirée maudite. Ouais. Ça va, moi j'avais dit que je dirais rien. Ça va, c'est bien. Thierry balance, très bien, très très bien. La pièce s'appelle Le syndrome de l'Écossais. Quand on vous annonçait le retour de La Vengeance de Thierry Lhermitte et Bernard Campan dans cette émission, Leïla, vos oreilles ont sifflé. Et oui, et immédiatement Thierry Lhermitte, je vous revois, le dos coincé, assis dans votre canapé en pyjama, et à vos côtés, Villeray, dans un dîner de cons, et j'entends cette scène culte. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Lui, c'est pareil, c'est juste. Ça marche toujours autant, et j'ai toujours envie de revoir ce film pour cette scène. Mm-hmm. Et quand je vous vois tous les deux, ça, c'est très émouvant de voir Villeray, là, à vos côtés. Ça vous... Ah bah c'est un souvenir, tout le monde en parle partout, dans plein de pays. Ouais. Hier, il y a un mec qui me dit « Ah, j'ai vu votre film !» Alors, je pensais que c'était le dernier. Au courant. Et quand je pense à vous, Bernard Campan, je repense nécessairement aux Inconnus. C'est et juste. À cette fameuse parodie. Forcément. Et je pense à cette fameuse parodie de Télématin, c'est Youpi Matin. Et moi, dès que je me lève tôt, je pense à Youpi Matin. Youpi Matin, Ça n'a pas pris une ride, hein? Non. Bonjour madame, bonjour monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin, les petits matins qui chantent. Alors il y a 6 enfants, et si vous n'êtes pas encore en forme, et bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. Et tout de suite, on retrouve Bouquin Matin, la rubrique avec Jean-Pierre. Voilà, Bouquin Matin, le chroniqueur littéraire qui présente un bouquin chez Plon, le cuistot qui se coupe la main, la madame météo qui est allongée parce qu'elle n'en peut plus. Ouais, c'est quand même c'est un truc qui nous tient tous. Voilà, c'est le matin, tellement vrai en même temps. C'est Youpi Matin. Bah, ça doit être un peu ça, oui. Ça doit être un peu ça, ouais. Et en fait, en pensant à tous les deux, Thierry Lhermitte, par exemple, j'ai passé en revue dans ma tête tous les rôles que vous avez interprétés. Vous avez une filmographie longue comme le bras, avec des rôles très très variés, ce qui vous fait entrer dans la catégorie des acteurs français qui ont une grande et belle carrière et longévité. Mais en fait, c'est dans une autre catégorie qu'on vous classe de temps en temps. Et j'ai trouvé ça dans un programme de téléréalité. Les fruits de mer, c'est pas des poissons, Jessica. Les fruits de mer, c'est que... Les fruits de mer, c'est des fruits de mer. Ça va être moule, huître, crabe, bigorneau. On s'en venir, ensemble. Thierry Lhermitte. Ah ouais. Mais Thierry Lhermitte, j'ai jamais goûté, par contre. Je connais les moules, les huîtres. Je connais plein de choses, mais pas le Thierry Lhermitte, quoi. C'est quand même dingue. J'ai goûté les moules et pas le Thierry Lhermitte, ouais, c'est culte, quand même. C'est génial. C'est, après avoir été appelé Bernard Lhermitte pendant une partie de ma vie, c'est dingue. Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'accomplissement, on peut dire. Vous devenez vous tout seul un fruit de mer. Donc c'était dans Les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. C'est un programme qui existe, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nagui? Non, mais je suis... C'est... On n'a pas idée, je crois. C'est d'une telle connerie, mais c'est incroyable. Oui, sauf que... En tout cas, tout ça pour dire, je ne donne pas ça en exemple, que Thierry Lhermitte est devenu tellement présent dans la pensée collective populaire que le Bernard Lhermitte devient un Thierry Lhermitte. Non, il y a zéro pensée. La pensée, elle est partout, Nagui. Après, je ne suis pas là pour hiérarchiser. Non, mais moi non plus. Non, je ne veux pas m'énerver. Mais enfin, c'est des débiles mentaux, ces gens-là. Faut pas, j'irai pas jusque là. En tout cas, Bernard ici par respect pour ceux qui ont des déficiences mentales. Non, tu vois, c'est insulter les débiles mentaux que t'es traité de débiles mentaux. C'est pire que ça. Respect pour l'individu, tu peux aussi te tromper, dire un Thierry Lhermitte. Moi, je trouve ça même mignon. Non, mais ils ne se trompent pas. C'est ça le problème. Ils sont convaincus de le savoir. C'est comme l'autre qui avait dit le team au lieu du teint. C'est-à-dire qu'il lit. C'est quoi le team? Mais bon. Voilà, moi, ça me fait rire. Vous avez marqué acheter du teint et le mec fait oh, c'est quoi le team? Pour moi, c'est pas tant l'ignorance qui est condamnable que la bêtise des gens. Donc je me dis là, au moins, ils font pas de mal. Et Bernard, ici présent, vous aussi, d'une certaine façon, vous avez cédé à. Il va s'énerver. Vous avez cédé à la tentation du fruit de mer. La première fois. T'en as mangé de la moule. La première fois que vous avez rencontré Thierry Lhermitte. Oui. Oui, ouais. Oui. Non, je suis tombé dans le panneau à la con, je l'ai appelé Bernard, mais vraiment, sincèrement, en voulant bien faire. Et puis, c'est après coup, je me suis dit, mais je suis con, putain. Et puis, il l'a pas entendu, il l'a pas fait gaffe. Moi, je vous ai bien appelé Didier. Oui, c'est vrai, ici. En janvier. Voilà, mais quand même, Bernard, non, putain. Enfin, voilà. Oui, enfin, ça doit vous arriver depuis que vous êtes petit. Oui, c'est pour ça, ça m'a pas. C'est pour ça, là, c'est la vengeance. J'ai appris, là, voilà, les bigorneaux et les Thierry Lhermitte. est-ce que maintenant, quelqu'un, ou est-ce que dans la rue, on vous appelle docteur? Parce que vous êtes intervenant dans l'émission de Marina Carrère d'Encausse et Michel Simès, que vous avez de réelles connaissances et une passion et une culture sur le monde médical, que vous transmettez, vous parrainez la Fondation pour la recherche médicale, et je suis curieux de savoir si au quotidien, quand quelqu'un vous croise, est-ce qu'on vous pose des questions ou est-ce qu'on vous interpelle sur vos connaissances scientifiques? Non, mais tu sais, le public du magazine de la santé, c'est les gens qui regardent la télé l'après-midi, souvent c'est des gens âgés. Oui. Vous regardez, non, je crois, Maréchal. Vous nous écoutez par Radio Courtoisie. J'arrive pas à atteindre le poste pour changer de chaîne. Et Radio Courtoisie, ça, avec mes écouteurs. Oui. Mais c'est sûr. Je les écoute en vous regardant. Et donc, les gens nous. Non, les gens. Ils vous laissent tranquille. Ils âgés, ils laissent. Oui, c'est calme. C'est calme. C'est bon, tranquille. Ça. Le syndrome de l'Écossais, c'est aussi une pièce. Et c'est une comédie avec des situations où tout à l'heure tu parlais du dos bloqué dans le canapé du dîner de con. Là, c'est vous qui avez le dos, Bernard Campan, bloqué. Oui. Mais elle est très physique, cette pièce, que ce soit dans les. J'irais pas jusqu'à dire des cascades, mais enfin, il y a tout un jeu. C'est comédie. Assez physique. Puis moi, c'est vrai que je me suis plus à. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est pas réfléchi. On joue avec ce qu'on est. Donc voilà, le rôle est assez physique. Mais j'ai aussi des moments pour me reposer. Donc, puisque je passe au moins 10 minutes allongé sans rien faire. C'est donc, l'un dans l'autre, ça va. Et grimper à l'échelle avec sa belle-sœur pour chercher. Là, moi, ça va, oui. Je grimpe à l'échelle, mais elle grimpe avec des talons aiguilles. Florence Darrel, elle a des talons. On a les jetons tous les soirs, il n'y a pas eu d'accident jusqu'à présent. Ouais, c'est pas évident de monter à l'échelle avec des talons, c'est pas facile. Donc les cascades sont pas là où on pense. Il y a des jolis quiproquos. Cette pièce est appelée à tourner aussi, à partir en province. Vous savez déjà. Janvier, février, mars. Ah oui, donc vous avez votre année 2017 6 mois, là, pratiquement complète. Vous savez exactement ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. D'accord. C'est bien. Non, mais c'est suffisamment rare dans ce métier pour être souligné, vous avez raison de le dire. Dans quelques instants, nous allons avoir l'humeur d'Alison Wheeler. Mais d'abord, voici Polo and Pan avec Canopée. Oh, j'adore. T'adores? Oui. C'est vrai? Oui, c'est très beau. Celle-là, c'est pas la meilleure. Hein. Tu veux le commenter? Non, je ne passe pas de commentaires. Dans la canopée. franchement. Polo and Pan, ça s'appelle Canopé. C'est et, magnifique. Et c'est, voilà, c'est pour faire plaisir à Alison Wheeler, dont voici la bonne humeur maintenant. Alison Wheeler. Cette semaine, il n'y a pas que la Fashion Week qui mettait à l'honneur les femmes et les aiguilles. Il y a également des militants anti-IVG qui sont venus sur le plateau de Cyril Hanouna pour faire parler d'eux. Et bah d'accord, c'est gagné, on va parler de vous les gars, ça marche! Donc le discours de ces militants, c'est de dire qu'on est tous des survivants parce que nous, on n'a pas été avortés par nos parents. Bon, rien de très nouveau dans la rhétorique classique des anti-droits à l'IVG, mais eux, ils vont encore plus loin en disant que leurs potentiels frères et sœurs qui auraient pu naître leur manquent. Et moi, je pense qu'ils ont raison, il faut même aller plus loin. Ils veulent qu'on arrête d'empêcher la vie de se former. Eh bien, arrêtons d'empêcher la vie de se former. Premièrement, Nagui, ôtez-moi ce jean slim qui compresse vos testicules. Ça rend infertile. Allez, on libère la vie. Quoi, vous le faites pas? Ok. Bon, c'est bien. En fait, le Nagui, s'il vous plaît. Deuxièmement, je propose un arrêté préfectoral qui interdise toutes les pratiques sexuelles qui n'ont pas vocation à féconder. Un spermatozoïde dépensé doit être un spermatozoïde utile. Donc, fellation sodomie interdit. Désolé, Albert. Désolé, Daniel. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si vous voulez vous faire enculer, allez acheter des produits Apple, ça reste autorisé. Troisièmement, je propose qu'on mette des paquets de sopalins dans les supermarchés sous cadenas. Hein, attendez, l'adolescent moyen se masturbe 7 fois et demi par jour. On va pas mettre des armes de destruction massive en vente libre quand même. Oui, le demi, c'est quand il y a ta mère qui rentre et que tu faisais semblant de manger du yaourt. Par ailleurs, j'accuse la société YouPorn de crimes contre l'humanité. Quant à Jackie et Michel, au cachot, en attendant le procès. Alors je lance le débat, est-ce qu'il faudrait pas aussi mettre en place à un moment ou un autre des cimetières de capote pour aller se recueillir à la Toussaint? On pourrait tous prier ensemble, au nom du père, du fils, de l'autre fils qu'on aurait pu avoir et qui a fini dans la bouche de Cindy. Bon, je sais pas, c'est une piste. Hein. Bon, je vous rassure, c'est tout pour mes propositions. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est pas facile, voilà. J'ai commis l'irréparable. En ce moment même, où je vous parle, disparaissent les parois de mon utérus. Ainsi qu'un ovule non fécondé, j'avoue, je viens d'avoir mes règles. Un ovule non fécondé, putain, j'ai déconné. J'ai laissé un ovule ne pas devenir source de vie. Je suis folle, je suis sûre que cet ovule manquera à mes futurs enfants. Peut-être qu'on pourrait lui faire une petite place dans le caveau familial. J'ai honte, je suis une tueuse. Oh là là, j'imagine déjà le titre. Alison Wheeler, la diabolique au Tampax. Une meurtrière, toujours en fuite. Bon, on arrête les conneries deux secondes, s'il vous plaît. Juste un petit message à cette fine équipe des survivants. Oui, non, chers survivants, s'il vous manque une partie de vous, ça n'est peut-être pas la partie que vous pensez. C'est peut-être juste le bon sens qui est parti se faire gangbanger tellement il se faisait chier dans les cavités vacuitaires de votre cerveau. Et puis, n'hésitez pas à ouvrir un journal. En ce moment, il y a des enfants, des vrais enfants, hein, en 3D, qui voudraient jouer à Mario, manger des Smarties, qui crèvent sous les bombardements à Alep. Il y en a qui passent entre les bombes et c'est ça qu'on appelle des survivants. Bravo. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Bravo. Ouais, bien dit, bien écrit. Un peu violent sur, les sur l'image des ovules, mais... Les Monty Python ont fait un sketch comme ça, et voilà, c'est très bien passé, c'est resté culte. Ah, cette chanson, chaque goutte de sperme compte, c'était les Monty Python, c'était du même tonneau. Bravo. Mais Alison Wheeler est déjà culte. Mmh. Elle est déjà culte. Bien joué, Alison. Voici la bande originale de Thierry Lhermitte et Bernard Campan, nos invités. On a essayé de trouver des années que vous auriez pu avoir en commun dans vos vies et dans vos carrières, avant de reparler du syndrome de l'Écossais au théâtre des nouveautés, et ça recommence à partir de ce soir. On va commencer dans les années 60-64. Formidable. Ta ta ta ta, Roger Lanzac. Non, Bernard Hilda. C'est vrai, c'était pas Roger Lanzac? Non, mais le chef d'orchestre, c'est Bernard Hilda. Ah, pardon, Hilda. Oui, oui. Excuse-moi, quand même. Oui, oui. C'était le présentateur, Roger Lanzac, vous avez raison. C'était le Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, avec des frac et des poches. Parce que moi, j'allais voir la télé. Ça, c'était votre télé. Musique, Bernard, à l'époque. J'allais voir la télé, alors comment il s'appelait Michou. Je sens qu'on va pas pouvoir participer avec des voisins qui avaient la télé, voilà. Et le père, quand il y avait Bernard Hilda, il se retournait, ah, c'est toi, Bernard. Il me disait comme ça. Et moi, ça me tétanisait un petit peu. Oui. Je faisais une bonne blague. Mais je m'en souviens. Voilà. Voilà. Tu vois, Vous étiez au lycée Balzac. Pas à encore Toulouse. À cette époque-là, mais bon, oui. À Toulouse, non, plus tard. Vous Toulouse, avez... non, j'étais pas à Tours. À Tours. Vous avez redoublé votre quatrième. Est-ce que vous cherchiez à faire rire aussi déjà à l'école? Non, enfin. Petit comme ça, je me souviens pas. Non, je me marrais beaucoup, je déconnais beaucoup avec les copains. Bah, mais on sait quand même si dans la classe, on est celui qui fait se marrer, celui qui fait ricaner dans le dos du prof. Non, j'étais plutôt, c'était en loose day, quoi. Vraiment, j'essayais de faire marrer mes deux, trois potes. On se faisait marrer entre nous, mais je cherchais pas à faire rigoler la classe particulièrement, non. Et c'était aussi faire rire, c'était une manière de séduire les filles, d'être le rigolo. Tout de suite. Mais sachant qu'ils voulaient pas tout baser sur Je connais trop inhibé pour faire rire les nanas, quoi. Si j'avais pu, oui, je les aurais fait rire, oui. Mais non, trop je ne pouvais pas. D'accord. Dans ces années 60, Thierry Lhermitte, écoutez. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Vous écoutez Simon Garfunkel, on a choisi Sound of Silence, peut-être que c'était une autre qui vous plaisait particulièrement. Non, ça c'est un copain qui malheureusement, c'est le premier copain qui est mort des gens que je connaissais en moto, qui nous avait rapporté ça d'Angleterre, le Simon tout seul, pas Garfunkel, qui chantait, qui avait fait... C'est Sound le lauréat, la chanson de... Oui, c'est ça. Vu et revu, ouais, il s'appelait Gérard Papillon, voilà, l'embrasse. Et alors la première, on se souvient tous malheureusement de la première fois où on perd un pote. On perd quand on a l'insouciance de notre jeunesse, on croit pas que la mort existe. Quoi. Ouais. Et là d'un coup c'est un pote qui s'en va. Et c'était un mec extra. Bon, on va pas parler de Gérard Papillon. Non, mais à quel point ça vous a Justement ce choc là dont tu parlais là, de réaliser que c'est pas que pour les autres. Ouais. Ouais, et que c'est fragile, parents, que, c'est ouais. ça. Dans les années 80, Bernard Campan, vous écoutiez. Vous dansiez. Non. Oh, si. c'était un peu l'époque où on s'est rencontrés. J'étais un peu connu en boîte de nuit en train de danser là-dessus, moi. J'ai dansé là-dessus. Ah, tu dansais là-dessus. Putain. J'osais mais vers 4 du, quand t'étais un peu bourré, mais tu vois. Oui, voilà, c'est ça, ouais, parce que j'en ai pas le souvenir. Donc, mais oui, c'était quelle année ça? 82. Ah ouais, 82, c'est 82, ça. 82, 84, c'est la période théâtre de Bouvard. Ouais. La période avec Didier Pascal. Je découvrais Michael Jackson, que je connaissais pas des Jackson 5. Enfin, le son, ce nouveau son, là, c'était... À quel point la musique est importante pour vous dans votre vie, en fait? Moi j'ai un rapport un peu particulier à la musique, étant donné que je n'arrive pas bien à... quand j'écoute de la musique, je peux pas faire autre chose. Voilà, donc j'ai des moments pour écouter de la musique. D'accord. Oui, je peux pas bricoler, écouter de la musique, sinon je rate le bricolage. Mais ouais, donc la musique, j'aime bien essayer de la faire, alors jouer de la guitare, et l'écouter, c'est des moments assez rares, donc c'est un peu bizarre comme... Conduire et écouter de la musique, par exemple, c'est impossible. Je suis pas... Un petit peu aussi quand même, je peux le faire. Ouais. Boire mais, et conduire, vous pouvez. Voilà. Ça, c'est plus facile. Là, j'ai travaillé là-dessus. Vous avez chanté Les 4 carats de go vont fait un disque, c'était la bande originale. Non, moi j'ai toujours aimé chanter, essayer de faire de la musique, ça m'a toujours passionné, mais j'écoute peu de musique en fait. Ouais. Mais pourquoi ne pas avoir fait un album? Demain on reçoit François Morel, on va parler justement des acteurs et chanteurs. Ouais. Pourquoi ne pas faire un album seul, guitare-voix, piano-voix? Vous jouez de la guitare. Si tu m'écris les paroles et... Bah non, mais vous êtes auteur aussi. Non, c'est un métier, c'est un... Oh non, je serais incapable, ouais. Non, c'est trop de boulot. Non, déjà, j'ai du mal à écrire un scénario. Alors, si en plus, il faut écrire des chansons... Ça va en ce moment? Oui, ça va bien. Ça va, Et pour jouer, quand on est comédien, notamment au théâtre, c'est important d'être aussi musicien, parce que le sens du rythme, parce que la musicalité... Je pense que c'est différent, le sens du rythme en musique et le sens du rythme, par exemple, dans la comédie, où il y a vraiment un sens précis du rythme. Parce que, justement, Thierry, il a le sens du rythme de la comédie, mais il n'a pas forcément le sens musical. Du tout, donc, c'est deux choses différentes. Impossible. Thierry Lhermitte dans ses années 80, écoutez Julien Clerc. Là aussi qu'on a choisi totalement librement. Je crois que c'était ton côté fétichiste. Non, moi j'ai écouté un peu tout Julien Clerc au fur et à mesure. Il doit avoir, je ne sais pas, c'est peut-être 50 plus que moi, un truc comme ça. Donc, je sais pas. Et ses chansons, vers les 80, Ivan. Tu vois, c'est ça, oui, voilà. Ouais. Et donc, il va fêter dans un an ses 50 ans de carrière quand même. C'est une carrière exceptionnelle, Julien Clerc. Oui. Puis, non, mais tu vois, j'ai eu 30 ans, je suis content. Ben, j'ai eu quelques années plus tard. Tu vois, j'ai suivi toutes ces chansons. C'est la bande originale de votre vie, en fait. Vous avez suivi sa carrière. Est-ce que ça fait partie, vous êtes ami avec Julien Clerc ou avec des... Je le connais, on est ami, enfin, comme ça, quoi. Je suis ami avec le suivant que vous allez citer, ouais. Avec Alain Souchon. Avec le suivant que je vais citer. Bah, très bien, mais c'est bien. Bah, Alain Souchon. C'est ça, toi. C'était un peu plus tard. C'est en 2002, justement, Thierry écoutait Alain Souchon. Je voici. Chante un baiser. Je chante un baiser posé. Sur mes lèvres déposées. Par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser. Marchant dans la brume. Le cœur démoli par une. 2002, on vous avait dit Alain Souchon parce que c'est une période qui vous parle ou... On a tourné ensemble, on est devenus copains et amis, et puis j'ai adoré ses chansons tout le temps. Je crois que c'est un chanteur exceptionnel, c'est un poète, vraiment le choix des mots qui fait ce qu'il raconte d'abord. Le choix des mots, là, dans le baiser, là, avec un air lassé de reine à Langui, il faut l'écrire quand même. Mm. Lui fait sonner les syllabes en plus de faire sonner les mots. Quoi. C'est à l'intérieur des mots, et il y a une musique. Ouais. Je sais pas, moi après les attentats, et si en plus il n'y a personne d'Alain Souchon, ça m'a... C'était dur à écouter. Mais on avait ouvert la soirée Je suis Charlie, on l'avait ouverte justement demandant à Alain de le chanter. Ouais. Bon, c'est immédiatement. Si tu veux, c'est vraiment un grand auteur, un grand poète et puis un artiste exceptionnel. Ouais. Dans ces années 2000, Bernard Campan, lui, écoutait Yves Montand. Je cherche après Cétine. Ah oui. Eh oui. Je cherche après Cétine. C'est évidemment de moi. Quel rocker. Explique-moi ça, tu vas m'expliquer ça quand même. Hein. La bande originale. J'ai beaucoup d'admiration. La bande originale de Se souvenir des belles choses. Ah, bravo. En plus, c'est une chanson de Maurice Chevalier. C'est vrai. Mmh. Non, ça c'est nous qui l'avons choisi, mais c'était pour faire aussi un clin d'œil. Ça a l'air de lui faire plaisir. Hein. Non, c'est surtout pour parler de ce superbe film. Ah, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Isabelle Carré. Exactement, film de Zabou Breitman. Ça, c'est le genre de film qui marque une carrière déjà, qui marque un spectateur quand il le voit. Mais j'imagine que incarner ce personnage, ça a dû être énorme pour vous. Pas plus que ça. Non, oui, c'était la première fois, c'était le premier pas vers le cinéma dans un rôle. Dans un premier rôle, ouais. Un registre naturaliste, je sais pas comment on peut dire. Et voilà, donc pour moi, ça a été très important, oui. Ça m'a marqué, mais pas tant l'interprétation du rôle que le fait de participer à ce film et tout ce que. L'histoire particulière, perdre la mémoire et. Ouais, et la retrouver. Ouais. Ouais. C'était l'idée de Zabou, je pense. Au départ, elle avait cette intuition, justement une personne qui perd la mémoire, une autre qui la recouvre, et dans le croisement, dans ce laps de temps où ils vont pouvoir se rencontrer, une histoire d'amour, quoi. Et elle a écrit ce film à partir de cette idée, quand même fort. La pièce s'appelle Le syndrome de l'Écossais, elle est au Théâtre des Nouveautés avec Bernard Campan et Thierry Lhermitte qui sont nos invités. Nous avons demandé donc à Christine Marsan, bonjour Christine. Bonjour Christine. Merci de venir à notre micro, que je règle le mieux possible, pour parler justement de cette volonté de oser, puisque c'est le titre carrément de votre livre, oser changer sa vie, c'est-à-dire qu'il faut il faut du courage pour se dire à un moment je change de vie. Bah oui, on voit bien dans la pièce combien c'est compliqué pour l'épouse d'Alex d'arriver à faire passer le message. Et en fait, il y a quand même... C'est Sophie hein, dans la pièce. Oui. Le nom du personnage, c'est Sophie. Sophie. Sophie et Florence, ouais. C'est voilà. Sophie qui veut changer de vie. Et voilà, elle a mal fou à passer le message parce que là, ce que ça présente, c'est que bah, y a désir que d'une personne. Alex, il n'est même pas au courant, quoi. Donc il n'est pas dans le trajet, il n'a pas forcément envie. Alors qu'elle, visiblement, elle en a marre de ce qu'elle vit, elle veut autre chose. Et puis surtout, elle veut retrouver l'amour. Et je passe les détails, parce qu'il ne faut pas dévoiler la pièce. Non, mais alors qu'est-ce qui fait justement que des personnes... D'abord, est-ce qu'il y a une zone d'âge particulière où on se dit « je change de vie » Est-ce que c'est une espèce de démon de midi autour de, je sais pas, de la quarantaine, cinquantaine, où on se dit « il me reste encore, je peux me faire une deuxième vie », entre guillemets. Est-ce qu'il y a un âge auquel on change de vie et quel est le détonateur, le déclic qui fait qu'on se dit « allez, j'y vais, je plaque tout et je fais autre chose ». Alors, il y a quelques années, on disait 40 ou 50. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est toutes les décennies. Donc moi, je reçois autant des gens qui ont 20 ans que 60 ans ou 70, 40, 50, enfin tout le monde. Voilà. Donc tout le monde fait sa crise. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute holistique. Oui, ce qui veut dire... Ouais. Je vois l'étonnement. Bah, ça veut dire que j'essaie de prendre en considération toutes les dimensions des gens, notamment spirituelles, quand ils ont des appétences transcendantales sans forcément fumer la moquette au Tibet. Ça, c'est oh là là, l'emploi fictif par excellence. C'est ça. Ah, merci. Donc, merci, je touche des choses, j'ai une caisse noire, tout ça, mais je vous donnerai des soins presque promis. Il n'y a plus d'âge, il n'y a pas de période définie pour dire je plaque tout et je change de vie, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on fait ça? Ouais, alors donc y a tous les âges vont avoir des raisons différentes. Après, il y a deux grands trucs par rapport au contexte de la pièce. Il y a l'idée romantique de dire allez hop, on va à l'autre bout, on va faire un truc, parce que là en ce moment il y a beaucoup de citadins qui veulent partir à la campagne, qui rêvent de cultiver leurs tomates cerises, sauf qu'ils n'ont jamais arrosé leurs plantes. Donc ça va être un peu compliqué tous les jours à devenir fermier et paysan. Donc il y a vraiment, mais ça veut dire quelque chose, parce que c'est pas 3-4 personnes, c'est beaucoup de gens qui veulent ça. Donc il y a une vraie appétence, et donc la question c'est à quoi ça correspond. Donc il y a le rêve, et puis il y a ceux pour qui c'est vraiment une vocation de vie et une vraie transition de vie, qui veulent vraiment changer. Et c'est vrai que s'ils sont en couple, c'est mieux qu'ils soient deux d'accord. Est-ce que le terrain dans lequel on se trouve avant de tout plaquer pour partir est un terrain plutôt sombre, négatif, on est en crise, il y a un problème, donc on se dit que la solution c'est de partir, ou à l'inverse, c'est un terrain où au contraire on est totalement épanoui, on a le sentiment presque d'avoir réussi déjà une première vie et on se dit c'est le moment, je suis tellement bien dans ma peau que je peux carpe diem, je peux profiter de tout et partir. Je vais vous faire un coup à la Normande. Et peut-être partir en bateau avec sa famille et tout quitter. Vivant des globes. Voilà, donc je vais vous faire une réponse à la Normande. On a les deux cas. On a ceux qui ne peuvent plus, les burn-out, les stress, les ras-le-bol, etc. Et qui ont envie de tout plaquer. Là, le risque, c'est est-ce que c'est la bonne solution? Parce que tout ce qui est fuite, on connaît par cœur, on va très très loin et on se reprend les mêmes problèmes. Donc là, c'est plutôt à accompagner. Et puis, il y a des gens qui construisent vraiment leur prochaine vie. Et c'est vraiment un désir. Et ça se construit dans le temps. En tout cas, c'est le truc, on y va comme ça, ça peut être un peu difficile. C'est comme les gens qui veulent changer vraiment de ville, mais vraiment, genre Paris, je sais pas quoi, moi, Pau. Il vaut mieux qu'ils aillent voir, il vaut mieux qu'ils aillent habiter un peu avant d'y aller, quoi. Parce que le changement peut être... Alors là, c'est sympathique, mais vous avez des parents en Thaïlande. En ce moment, la mode, c'est l'Espagne, le Portugal, la Thaïlande. On sait pourquoi, hein. Ah oui, surtout pour la Thaïlande, mais les autres moins. Et donc la question, c'est de dire est-ce que c'est viable, est-ce que je vais aimer ça tout le temps, parce que l'île en Thaïlande une fois de temps en temps avec compagnie ou pas. Est-ce que j'ai envie de ça tout le temps, parce que il y a aussi les questions de sécurité. Enfin, il faut pas avoir de problème en Thaïlande, sinon ça se finit pas très bien. Et puis quand vous êtes c'est un peu Midnight Express, quoi. Quand vous y êtes, c'est un peu compliqué de sortir au niveau de la santé, etc. Donc il y a l'envie de vivre autre chose, ça c'est génial, l'envie de changer. On est dans une société qui bouge sans arrêt, donc il y a une espèce d'agitation. On commence à plus pouvoir tenir le nombre d'informations qu'on a, la rapidité des flux d'infos, l'exigence de répondre. Donc une espèce de saturation, on commence à être burn-out, à perdre sa mémoire avant l'âge. Oui, mais à l'inverse, on a envie de changer. On se dit on n'a qu'une vie, et comme on a plein d'informations et que l'on sait surtout tout ce qui se passe ailleurs, ça peut aussi amener une tentation en se disant mais pourquoi j'ai pas fait. On parlait notamment des pépites avec le Marie-France et Christian Despalières qui avaient totalement liquidé entre guillemets leur vie, leur plan d'épargne, vendu leur appartement pour aller sauver et aider les enfants de Phnom Penh à ne plus être dépendants de la décharge publique, et ils ont consacré et vécu une deuxième vie derrière. Mais là, c'est un acte de générosité. Ça, c'est une crise de sens. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on se dit peut-être que dans mon quotidien, il manque quelque chose d'essentiel. Et là, c'est la crise de sens. Et là, il y a des chances que ça tienne. Être utile. Ouais, ça peut être utile, ça peut retrouver du sens, et quelle forme ça va prendre, ça va dépendre. Mais c'est vraiment à quoi je sers, pourquoi je suis là, il me reste, je sais pas, 20, 30, 50 ans, qu'est-ce que je fais? À quoi ça va être utile pour moi, et éventuellement à quoi ça peut être utile pour les autres? Et là, ça fait des changements plus pérennes. Ça vous a, au-delà de la pièce, le syndrome de l'Écossais, où il y a donc ce personnage qui veut changer de vie, Bernard Cambran, ça vous est arrivé de vous poser cette question, de dire, et si je changeais de vie? Qu'est-ce qui... Moi, c'est plutôt la question... Oui, ça m'est arrivé. Hein. Mais bon, on a tous eu envie à un moment. Bon, c'est vrai, surtout quand ça marche bien, on se dit, oh, bah, finalement, si je plaquais tout... Enfin, pas tous, mais il y a eu cette envie. Mais c'est surtout, moi, l'envie de me dire comment je pourrais faire différemment ce que je fais, déjà. C'est-à-dire vivre différemment ce que je vis, déjà, quoi. Ça, je pense que c'est plutôt ça, ma quête de sens actuellement, c'est-à-dire continuer mon métier, mais le vivre différemment, le vivre mieux. Se réinventer. Hein ? Se réinventer. Ça veut dire se réinventer, comme on dit dans la pièce. Se réinventer, je sais pas, c'est, je pense qu'il y a différentes façons de vivre les choses. Moi, je pense que je les vivais surtout dans la tangente, dans une espèce de fuite, de bulle, un peu, de faire exploser cette bulle et d'être plus en contact avec, avec le réel, avec ma vie, avec les autres. Voilà. Vous, Thierry Dermite, j'ai l'impression que c'est plus, vous avez plus eu envie d'avoir plusieurs vies en même temps que de tourner des pages et changer de vie. Oui, quand je suis parti en bateau, quand j'ai habité à la montagne, je me suis pas dit c'est pour la vie, c'était pour voir comment c'était, c'était vivre un rêve, quoi, c'est tout. Alors j'en ai eu beaucoup, puis j'en ai vécu quelques-uns, puis j'en ai d'autres encore, mais je me rends pas trop compte. Hein, c'est aussi simple que vivre un rêve. J'arrive pas à me dire ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. D'accord, oui. Je suis sur aucun. Mais vous laissez la liberté de pouvoir changer, revenir et. Oui, oui. Vraiment, chaque fois que je me dis c'est comme ça jusqu'à la fin, ça m'angoisse et de toute façon ça marche pas. Donc, mais sans rentrer dans votre vie privée, par rapport à ce que disait Christine tout à l'heure, il faut être plusieurs pour décider pour une famille. Est-ce que on fait quoi? On fait un pot haut, on se réunit tous autour du feu de bois, on dit qu'est-ce qu'on fait? On part à la montagne, on part à la mer, il faut que tout le monde soit d'accord? Ou est-ce que vous êtes. Quand je suis parti en bateau, les enfants étaient petits, donc ils étaient contents, a priori, de vivre un rêve comme ça. Puis ma femme était contente, vous voyez, j'en suis sûr. Mais si elle avait dit non, vous auriez. Mon rêve, c'était de partir en famille en bateau. Voilà. Donc elle marchait dans ce trip-là. Tant mieux. Mais je savais pas. On savait pas si ça allait tenir, si ça allait, si on n'allait pas se foutre sur la gueule. Si non. Changer de vie, Christine Marsan, il faut aussi du courage. Pour larguer les amarres, pour abandonner ce que l'on a mis déjà une première partie de notre vie à construire. Et alors là, ça fait le lien entre vous deux, c'est-à-dire qu'il faut du courage pour réaliser ses rêves. C'est-à-dire que ce qui va bouffer les gens, c'est quand ils ont vraiment quelque chose qui les anime, ils ont envie de faire, par exemple ça, un moment dans leur vie, pas forcément complètement changé, mais ils ont envie de faire quelque chose d'extraordinaire, de différent, et ils n'osent pas. J'y arriverai jamais, je ne peux pas larguer mon travail, etc. Et ça, ça les bouffe intérieurement. Donc, il faut du courage pour dire, allez, j'y vais, je vais jusqu'au bout. Et qu'est-ce que ça va faire si j'y vais? Et là, en général, on est assez heureux, même si, ce n'est pas votre cas, mais même si on se plante, même si le résultat, ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais au moins, on l'a fait et on se dit, ok, j'ai eu le courage, j'ai eu la pêche, ça donne une force de vie extra. Et du coup, on peut continuer. Alors, tous ceux que ça titille, vous leur conseillez d'y aller, de foncer. J'ai l'impression. Je les aide de façon différente chacun, parce que tout le monde n'a pas les mêmes raisons. Et comme je disais tout à l'heure, si c'est des raisons de fuite, si c'est des raisons de grosses névroses, on va éviter. Par contre, quand c'est quelqu'un, il suffit d'aider, de lever le voile et hop, la personne y va, c'est génial, quoi. C'est magnifique de voir ce que les gens révèlent. Et puis de les voir avec une banane jusque-là parce qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est ouais, top. Mais à l'inverse, est-ce qu'il vaut mieux risquer de changer sa vie et se planter, mais ne pas regretter, en tout cas de garder ce rêve dans un coin de sa tête en disant j'aurais rêvé partir sur tel continent, je ne l'ai jamais fait, tant pis. Il vaut mieux y aller quitte à se planter? Alors, quitte à se planter, oui, parce que nous, on n'est pas tellement dans la culture de l'essai, de l'erreur et de se planter en tant que Français. Hein, d'autres pays, oui. Oui. Toutefois, la prudence que je fais quand vous disiez est-ce que je pousse tout le monde à faire ça, non, l'accompagnement, c'est vraiment aussi de regarder un petit peu le principe de réalité et quelle sécurité il y a derrière. Parce qu'il y a effectivement des gens qui balancent tout. Ça ne marche pas. Et quand ils y reviennent, ils n'ont plus rien. Alors, ils n'ont plus rien. Soit c'est le couple, soit c'est le travail, soit c'est tout. Donc, c'est comment concilier le rêve, le truc qui est vraiment ce qui nous porte et ce qui nous anime. Et en même temps, de se dire, bon, et quand vous revenez, est-ce que vous n'êtes pas en bikini, quoi? Et les, juste... et les enfants, c'est la dernière question. Et les enfants, tu verras un jour, tu verras un jour. Et quelque chose qui nous retient justement parce qu'on dit tant que les enfants n'ont pas fini leurs études, tant qu'ils ne sont pas majeurs, on ne va pas partir parce qu'on ne va pas mettre en péril justement leur cycle scolaire, leur éducation. Ou au contraire, comme le disait tout à l'heure Thierry Lhermitte, ils sont suffisamment petits pour finalement, avec une sorte de précepteur, partir... Sur les routes. Et pour qu'on en tire un bon prix à l'étranger, si on en gagne. Vous les vendez en Thaïlande, et les voyages enrichissent sa jeunesse. Eh ben, en fait, là, c'est super simple. Si on considère les enfants comme des petites personnes, eh ben, on leur parle, on leur demande. Et c'est fou parce qu'ils ont un avis aussi. Et donc, ça va être beaucoup plus efficace dans la famille de dire, bon, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi, j'ai ce rêve-là. Déjà, le conjoint, est-ce que ça te branche ou pas ? Et puis, les enfants qui peuvent dire, ah non, j'ai super la trouille, ou alors, je veux pas perdre mes copains, etc. Bon, d'accord, mais on fait comment ? Parce que, de toute façon, ça titille tellement qu'il va falloir y aller. Et c'est ça qui va déjà être un changement. Un enfant peut très bien vous dire, ah ouais, ouais, on y va. Et puis, au bout d'une heure, fait, bon, on rentre. Vous savez aussi bien que moi. Non, ah, vous en avez, vous. Ou te dire, ou te dire simplement qu'il ne veut pas partir faire avec Thierry Lhermitte. Oui, pas avec toi. Faire le tour du monde. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses les enfants ou, et après, l'enfant devient-il pas aussi, d'une certaine façon, celui qui vous a empêché de réaliser vos rêves ? C'est ça. C'est terrible. C'est la question. Et c'est aussi pour ça, quand je vous disais parler, c'était pas juste faire une annonce, tiens, je vais faire les courses. C'est vraiment de dire, voilà, c'est un projet de vie, ça m'anime, c'est vraiment le truc. Si je ne le réalise pas, ça ne va pas bien se passer. Comment aller dans le fond, dans la profondeur du discours, ce qui fait que le gamin qui vous dit yes, mais vous le connaissez par cœur dans deux heures, il vous dit non, vous dites bon, bah, je te connais, t'es enthousiaste, mais après tu voilà, déchantes, ouais. On gagnerait pas du temps en obligeant l'enfant à vous suivre, et puis c'est je tout. Aussi, ouais. Oui, alors après, il y a les méthodes. Déjà, tu lui apprends pas à parler, tu gagnes beaucoup de temps, hein, tu discutes pas avec lui d'ailleurs, ça s'appelle l'ordre. Ouais, je suis assez pour. Oser changer sa vie aux éditions Jouvence, ce développement personnel, c'est signé Christine Marsan. Vous signez aussi, et il est formidable ce petit cahier d'exercice, c'est comme des espèces de tests pour savoir si on est plutôt loup, agneau, papillon et autres. Non mais j'adore. En plus c'est fait avec comme des vieux cahiers clés à carreaux, d'antan. J'adore. Oui. Oser changer sa vie, toujours pour développer son potentiel chez Jouvence. Et à venir, vous avez écrit un roman qui s'appelle Terra Incognita, imaginer l'avenir d'une humanité réconciliée avec notre planète. C'est pour que les choses soient vues d'une manière beaucoup plus positive. Oui, et puis je trouve que c'est sympa, vous passez par les pièces de théâtre pour faire passer des messages, pour, voilà, pour vous régaler déjà et faire passer des messages aussi. Et moi, je passe par les romans parce que parfois, les essais, il y a 3 lecteurs et demi. et dans les conférences, il y en a 6. Et par contre, le roman, ça fait, voilà, ça fait rêver. On est dans l'imaginaire et on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin, de tout dire. Parce qu'on dit, mais c'est un roman, hein, j'y suis pour rien. Et de faire passer des petits messages sympathiques. Merci beaucoup, Christine, d'avoir pris le temps de venir nous éclairer sur le fait que l'on puisse oser changer notre vie, puisque c'est l'un des thèmes, des nombreux thèmes. Ça reste une comédie, c'est rempli de rebondissements, mais c'est l'un des thèmes du syndrome de l'Écossais au Théâtre des Nouveautés, avec Bernard Campan et Thierry Lhermitte qui sont nos invités. Ben justement, Daniel Morin, vouloir à un moment de son existence changer de vie, c'est quand même un signe de notre capacité à nous remettre en question. C'est ça qui est formidable. Ça pique une question aussi brillante le jour de la Saint-Bruno. Alors, ça ne veut rien dire, mais c'est vrai. Non, mais... Alors, cette question, monsieur Guy, est une question sensible, une question philosophique, une question chamanique, bref, une question d'écologiste drogué, et ça ne m'étonne pas de vous. Petit bémol, toutefois, ce n'est pas la bonne question. Non, la bonne question, la question de droite, ça va de soi, est vouloir changer de vie, n'est-ce pas surtout un manque de courage et par là même de cojones face à notre quotidien. Monsieur Guy, nous sommes en période de crise majeure, et je sais que c'est tentant de vouloir tout changer, tout bousculer, mais merde, à la fin, oui, merde, on en a dans le froc ou pas. Face à l'adversité, gardons le cap de la médiocrité. On est dans la tourmente parce qu'on ne se remet pas en question. Et alors, on ne change rien, on ne quitte pas le navire de son incompétence pour enfiler un costume dont on n'aime pas le tailleur. On coule avec ses serpilles. Oh merde. Bonjour François. Salut les amis. Oui, vous voulez intervenir ? Oui, je veux intervenir pour dire que je suis hyper d'accord avec vous, Daniel. À une époque, j'ai voulu tout changer. Quelle erreur ! Vous vouliez changer quoi ? J'en avais marre de danser le disco. J'ai voulu passer au tango. Et alors ? Alors c'était l'enfer. Je me cassais tout le temps la gueule quand j'arrivais dans les dancings de Buenos Aires où je prenais pour un fou, pour una pequeña tapeta, comme on dit là-bas. Avec mes platform boots, ma chemise à jabot et mes vestes à paillettes. Un soir, il y a même un gomine argentin qui m'a fait la bite au cirage. Oh, quelle horreur ! Toutefois, je comprends votre émoi. Et moi ? Et moi, ça va ? Merci François. Alors voilà, Nagui, vous voyez bien que vouloir changer de vie, c'est pas une solution, c'est une ligne droite vers la déception. Une fois encore, je suis désolé, mais vous avez dit... N'importe quoi ! Merci. Christine, vous vouliez rajouter quelque chose avant de partir ? Oui, bah c'est juste que j'amène les gens à faire des voyages sur eux-mêmes pour qu'ils puissent choisir leur chemin et changer de vie. Et le prochain, et bah, c'est au Cambodge et c'est en février, avec Oasis Voyage. Très bien, très bien, d'accord, très bien. Et vous avez vu Les Pépites ou pas ? Si. Pardon ? Vous avez vu Les Pépites, le film ? Oui.

Laetitia Gaillé pour les infos. Manuel Valls est à Agen depuis ce matin dans le Lot-et-Garonne. Le Premier ministre a participé à la cérémonie de fin de formation du personnel pénitentiaire, mais il a aussi parlé prison pour faire face à la surpopulation carcérale. Il vient d'annoncer la construction de 33 nouveaux établissements. Il faut agir vite, a dit le chef du gouvernement, car il faut en moyenne 10 ans pour construire une prison. Jean-Marc Ayrault lui est attendu d'ici quelques minutes à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères va tenter de relancer l'idée d'un cessez-le-feu à Alep, en Syrie. Moscou donc première étape, demain ce sera Washington, en attendant la résolution française au Conseil de sécurité de l'ONU, Isabelle Labéry. Faire taire les armes et laisser passer l'aide humanitaire dans les quartiers rebelles d'Alep, voilà ce que la communauté internationale tente d'imposer sans succès depuis des mois, voilà ce que la France va de nouveau proposer aux Nations Unies. Puisque le cessez-le-feu négocié en septembre n'a pas tenu, puisque les Américains viennent de jeter l'éponge et de suspendre les discussions avec la Russie, Paris prend le relais et profite de la place laissée par Washington pour convaincre, ou plutôt contraindre, Damas et Moscou de cesser leur frappe commune. Cela fait 15 jours que la ville est bombardée nuit et jour, que des civils sont délibérément visés. Une situation inacceptable, choquante, honteuse, dit le ministre des Affaires étrangères français, qui dénonce le cynisme des Russes et l'assure à son homologue Sergueï Lavrov. Il tiendra le langage de la vérité. Il lui demandera d'arrêter un massacre dont il est responsable. Isabelle Labéry, à propos de langage de vérité, chacun le sien en Russie. Le ministre de la Défense affirme aujourd'hui que l'intervention militaire en Syrie a démontré la fiabilité et l'efficacité des armes russes, certaines ayant été testées pour la première fois. Sans surprise, le Parlement polonais a rejeté tout à l'heure la proposition de loi qui visait à durcir considérablement le droit à l'avortement dans le pays. Ce vote à une large majorité, y compris des députés conservateurs au pouvoir, fait suite à des manifestations de femmes polonaises opposées au texte à travers tout le pays depuis lundi. L'économie allemande va bien, merci. Angela Merkel annonce aujourd'hui donc des baisses d'impôts pour l'Allemagne, 6 milliards d'euros jusqu'en 2018. Selon la chancelière allemande qui s'exprimait devant des industriels à Berlin, ces allègements fiscaux sont liés à la bonne santé du pays, on l'a dit, mais aussi à la discipline budgétaire de l'Allemagne. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Aux États-Unis, un avion a dû être évacué hier à cause d'un téléphone Samsung défectueux et pour cause, il a pris feu. Le premier fabricant mondial de smartphones a déjà rappelé le mois dernier 2,5 millions de ses appareils en raison de batteries défectueuses. Il faut coordonner au niveau européen la cybersécurité. Nos réseaux ne s'arrêtent pas aux frontières. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, donne le ton à Monaco, car c'est là-bas que se déroulent depuis hier les assises de la sécurité des systèmes d'information. Alors s'il est difficile d'avoir une idée précise de ce que représente le piratage informatique, les spécialistes sont unanimes, les hackers sont de plus en plus forts et les attaques de plus en plus nombreuses. Guillaume Poupard est le directeur général de l'ANSSI. À l'ANSSI, au niveau de l'agence, on traite à peu près une attaque extrêmement grave tous les 15 jours. Quand je dis une attaque extrêmement grave, ce n'est pas un mot de passe de messagerie qui a été piraté. C'est un gros acteur, public ou privé, qui s'est fait voler de l'information très grave ou bien dont les systèmes les plus sensibles ont été attaqués par des gens qui sont très organisés. Pensez à l'attaque qui s'est produite contre TV5 Monde, qui est une des rares attaques que l'on a médiatisées. Parce qu'elle était dans un contexte particulier, TV5 Monde a failli disparaître. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, des grands acteurs économiques ou des grands acteurs étatiques peuvent purement et simplement disparaître à cause d'attaques informatiques. Et aujourd'hui, on a déjà à peu près une attaque tous les 15 jours en France de cette ampleur, ce qui est énorme, très clairement, et ça ne va pas s'arrêter. Il faut impérativement que les différents acteurs prennent conscience de ces questions de sécurité et qu'ensuite, on continue à développer notre capacité à réagir au plus vite en cas de crise majeure. Des propos recueillis par Violaine Hill de France Bleu Azur. Qui pour acheter Twitter ? Pas Google en tout cas. Le site Recode croit savoir que le groupe a décidé de ne pas faire d'offres. L'information a du coup fait chuter le cours de Twitter en bourse hier. Le site de microblogging voudrait bien conclure pourtant les négociations avec ses éventuels repreneurs avant la publication de ses résultats fin octobre. Malgré ses 313 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Twitter peine à générer de la croissance et des bénéfices. Marisol Touraine a lancé ce matin l'opération « Un mois sans tabac ». La ministre de la Santé a présenté les kits d'aide à l'arrêt qui seront disponibles à partir de lundi dans les pharmacies. Les fumeurs pourront les retirer gratuitement. Le top départ du défi collectif sera donné le 1er novembre prochain. Et Alain Passerelle et sa cigarette électronique vous en parleront tout à l'heure dans le journal de 13h. Au programme également du journal tout à l'heure, le rapport du Conseil de l'Europe sur les différents systèmes judiciaires. Un invité, Jean-Paul Jean, magistrat auprès de la Cour de cassation. Ce sera tout à l'heure à 13h. Pour l'instant, sur Inter, il est 12h05. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission Énervé du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce jeudi, le roman graphique s'évade dans le Énervé avec un expert du genre, Guy Delisle pour S'enfuir et Lolita Séchant qui signe Les Brumes de Sapa. Et puis en deuxième partie, grosse satisfaction. On parlera des Stones. Ça roule pour eux. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à condition à consulter sur le site visal.fr. France Inter, on aime, même, on vous en parle. Le suicidé de Nicolas Herrmann, mise en scène par Jean Bellorini du 12 au 16 octobre. Le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis accueille le Berliner Ensemble pour 5 représentations exceptionnelles. Chef-d'œuvre de la comédie russe, vaudeville métaphysique, ce suicidé est magnifié par l'énergie et la virtuosité de la célèbre troupe de Brecht. Le suicidé au théâtre Gérard-Philippe. À retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. La deuxième partie de la bande originale, c'est avec Nagui. Vous êtes bien aimable. Oui, il y a toujours été aimable. Bien le bonjour à vos amis de la rédaction, les intelligents de cette maison. Et on vous retrouvera pour... Elle n'a pas d'amis. Ah, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas intelligent, Nagui. Non, mais non. Non, mais c'est gentil. Donc, à 13h... Le... pas la peine de lui dire, il est au courant. À 13h, le journal de Bruno Duvic et Laetitia Gaillet vous informera tous. Non, c'est Alain Passerelle. Ah, très bien. Vous ne suivez pas tout le temps, on ne me dit rien, écoutez, aussi. On lui cache tout, Nagui. Non, on ne me parle pas. À tout à l'heure. Merci, Laetitia. Pièce, le syndrome de l'Écossais au théâtre des Nouveautés, une comédie qui fait réfléchir, c'est bien de se marrer, mais c'est bien aussi de le faire intelligemment. Et à propos de pièces comiques, on se demande toujours si vous, sur scène, vous faites des... Comment on peut appeler ça ? Des niches. Des blagues, des non mais des... Je sais pas, des improvisations, des surprises. Des pièges. Pour vous faire rire les uns les autres, parce que on rit dans la salle et sur scène. Parce que la réponse est oui. Si j'essaye de piéger l'autre, je vais me piéger moi-même. Moi, donc j'ose pas trop moi. Non, c'est par peur du fou rire, de me vautrer, de me prendre les pieds dans le tapis quoi. Mais bon, non, on rajoute des petites choses. Puis c'est bien, on se dit entre nous, tiens, c'est bien ça, on garde. Mais c'est plus de voir l'œil rieur de l'autre qui est communicatif quoi. Qui est le moteur. J'ai arrêté moi, j'ai arrêté. Parce que vous faisiez trop. J'en ai fait trop. Ouais. J'ai été puni, tout ça. J'en ai fait trop. Non, j'ai arrêté. J'essaie de me concentrer pour faire le mieux que je peux. Mais pardon, que fait par exemple un comédien qui veut faire craquer l'autre quand il est sur scène au théâtre ? Il profite d'être de dos 2 secondes pour faire une grimace au comédien qui est censé être sérieux. Oui, alors ça, c'est un coup bas, ça. Là, ça, c'est un coup bas. Non, ce qui est marrant, c'est dans la pièce, dans le texte, de rajouter un truc qui est cohérent, que le public ne remarque pas, mais qui a un déstabilisant double sens, pour qui est déstabilisant. Alors là, c'est bon, parce que sinon, le truc de dos, bon, non, ça, c'est un peu facile. Faut rajouter... Ou de mettre un truc totalement pourri dans un verre au moment de servir. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Balasco l'a fait. Elle roulait une grosse pelle à Richard Berry dans Un grand cri d'amour. Et elle est amateur de piment. Balasco, qu'elle mange à la cuillère très facilement. Et elle, juste avant de rouler une pelle, elle s'était badigeonnée les lèvres d'un piment à oiseau épouvantable. Oh. Allez, pareil comme ça. C'est bon. C'est très lourd, bon, ça. Ouais. En tout cas, pas besoin de blagues de potage pour s'amuser dans le syndrome de l'Écossais, parce que le texte est extrêmement bien écrit d'Isabelle Le Nouvel. D'ailleurs, vous lui demandez, quand vous dites que vous changez, que vous modifiez des choses, est-ce que elle est... vous avez besoin de son accord ? Elle est partante, elle est sympa comme tout, et elle nous a jamais supprimé un truc. Non. On doit être un peu dans l'esprit quand même, on n'a pas tout. Non, mais ça c'est clair. Mais elle nous a jamais fait de crise d'auteur en disant non. Il y a des petites choses qu'elle a dit, non, ça je préfère garder quand même. Oui, on aime bien changer les noms, nous. Quand il y a un nom, on préférerait un autre nom. Ah non, celui-là. Bastos, elle a voulu le garder. Le quoi, nom comme ça, voilà. Celui de monsieur au golf. Que vous battez au golf, c'est ça, c'est lui, c'est Bastos. Je sais pas pourquoi, ça l'a regardé. Le pharmacien, lui, il a changé de nom ou pas, en fonction des représentations? Non, c'est toujours Laurier, le pharmacien. Toujours, d'accord. Ouais, celui qui avait dragué aussi. Bon, enfin bon, vous allez découvrir ça. Et vous amuser, rire dans le syndrome de l'Écossais. Bernard Campan et Thierry Lhermitte sont nos invités. Voici l'humeur de Daniel Morin. Je m'a dit, c'est le théâtre des nouveautés. Humeur triste, Nagui. Pourquoi ? Il y a 17 ans aujourd'hui, disparaissait Amália Rodrigues, chanteuse portugaise, reine du fado. Le fado, un chant traditionnel, lancinant, sentimental, pétri d'émotions, de nostalgie et de vagues à l'âme. Je vais demander ce qu'il pense du fado à mon ami spécialiste musique, Jean-Philippe Manœuvre. Jean-Philippe Manœuvre, bonjour. Salut, Dany. Jean-Philippe, vous pensez quoi du fado ? Oh ben, clairement, on peut le dire. Le fado, c'est de la merde. Non, mais Jean-Philippe, sérieusement. Oh, mais le fado, c'est génial, mec. Le fado, c'est le sentiment étouffé à fleur de bouche. C'est la romance impossible qui meurt et qui se consume au fil de la gamme. Moi, j'ai passé des nuits entières à écouter du fado en chialant comme un scout plaqué par son aumônier. À ce point-là ? Oh mais grave, Danaï ! Le fado, ça te transporte, ça te soulève, ça te rend dingue d'amour impossible. Sur du fado, t'es tellement à vif que tu peux faire l'amour à une fille laide. Un bon fado, ça rendrait Christine Boutin nympho. Le fado, c'est hyper puissant, mais il y a un fucking problème. Quoi, quel problème ? C'est que c'est chanté en portugais. Et alors ? Et alors, c'est insupportable, le portugais. C'est méga moche. Le meilleur fado, c'est quand la musique écrase la voix de la chanteuse. Sinon, c'est détestable. On dirait du Christophe Maé. Oh là là, attention, Jean-Philippe, ne dites pas de mal de Christophe Maé. C'est l'artiste préféré de Nagui. Ouais. J'adore Christophe Maé. Let me laugh. Ça me surprend pas une seconde. Il a vraiment des goûts de chiottes en musique, ce pauvre Nagui. Putain, je te l'ai déjà dit 100 fois. Nagui, c'est une imposture musicale. Oh, et taratata, alors. Mais c'est pas lui qui fait la programmation. Lui, il découvre une fois que les artistes sont sur scène. Une fois, c'était vraiment gênant. Il y avait Blondie on stage. Et ben Nagui, il est arrivé vers elle en disant « Oh putain, salut, ça va Dave ?» La grosse teon, what a fucking shame. À une autre fois, il y a Demis Roussos en coulisses. Nagui, je le vois. Il me dit à l'oreille « Oh la vache, ça lui va pas du tout la barbe à Guy Carlier. » Un tocard, je te dis. Bon, et pour en revenir au fado, un conseil ? C'est génial, mais surtout, n'écoutez pas. Bon, merci Jean-Philippe. On passe à l'actualité, à présent, avec cette tragédie qui n'en finit pas, la poursuite de l'éclatement de la famille de Le Pen. Hier, au tribunal de Nanterre, Jean-Marie a demandé l'annulation de son exclusion du FN et une indemnisation de 2 millions d'euros pour préjudice subi suite à cette exclusion. Oui, je vous rappelle que Marine a viré papa l'année dernière, après que ce dernier se soit encore déclaré publiquement proche des valeurs du maréchal Pétain et autres délicatesses. C'est bien triste tout ça, c'est triste, mais ça ferait un super film. Facho Prod, en partenariat avec France Inter et Quenel Magazine, présente Rififi à Saint-Cloud. Quelque part, il y a longtemps, dans une banlieue cossue de l'ouest parisien, une famille vivait en paix. Oh ! Coucou ma chérie ! Comment va Marine, ma fille adorée ? Super papa, super. Ça a été à l'école ? Oui papa, j'ai eu 20 en allemand. Oh, dans mes bras Marine, tu es la prunelle de mon œil. Et puis la petite Marine grandit comme toutes les ados de son âge, elle organise des booms. Des booms à la Le Pen. Coucou Marine, c'est papa. Coucou papa chérie, t'as vu, je fais une boum. C'est chouette, j'adore cette musique. Et puis Marine prit de l'envergure, tellement d'envergure, qu'elle a pris la place de papa. Marine ! Marine ! Oui papa ? C'est quoi cette musique de métèque congoloïde ? C'est une étape de la diabolisation du Front National, papa. Si je veux gagner la présidentielle, faut plus qu'on me prenne pour une facho. C'est quoi le problème d'être facho ? Y en a pas, papa. C'est juste jusqu'à l'élection. Après, on remet la musique allemande et on ressort les casques à pointe. Tu renies les fondamentaux, n'est-ce pas, du FN, espèce de petite conne ingrate. C'est le fascisme qui a fait de toi cette grande fille, forte et blonde, qui un jour dirigera ce beau pays qu'est le Frankreich. Écoute, papa, ça suffit. Toi, de ton côté, fais gaffe. Dis plus de conneries. Le problème, c'est que Jean-Marie, tu lui dis pas ce qu'il a le droit de faire ou pas. Un jour, dans un journal de fachos, il s'exprime. Oui, je trouve qu'il n'y a plus assez d'hommes comme le maréchal Pétain, n'est-ce pas? Pétain avait une vision de la France qui nous serait bien utile aujourd'hui. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on préfère l'exotisme au patriotisme. Il faut voir le résultat. On en arrive à voir des Rastaquaires arrivés tout droit d'Alexandrie qui présentent des émissions sur la radio publique. C'est une honte. Après cet épisode malheureux, Marine vire papa, la suite est sordide. Elle a lieu dans un tribunal à Nanterre. Alors, je demande ma réintégration au sein du FN. Vous avez plus de 2 millions d'euros. Le Front National a besoin de moi. Le Front National existe à cause de moi. Le Front National, c'est moi. Et si le Front National doit disparaître, ce sera grâce à moi. Ouh, putain, ça chiche. Alors, est-ce que Jean-Marie va revenir et empocher 2 millions d'euros? Est-ce que le Front National va disparaître? Est-ce que Marine essaye de nous feinter ou bien elle aime vraiment Francky Vincent? Vous le saurez en allant voir Rififi à Saint-Cloud. À demain. Merci. Sur France Inter. La pièce, c'est la deuxième. On a parlé d'Isabelle Le Nouvel tout à l'heure. C'est sa deuxième pièce de théâtre. C'est une comédienne qui s'est mise à écrire, notamment aussi des courts-métrages réalisés par Nils Harrestrup. Et c'était avec Guillaume Gallienne qu'elle avait fait ce travail-là. Une écriture, une pièce écrite par une comédienne, ça se sent quand on est... C'est plus fluide, c'est plus... C'est du sur-mesure pour vous? En tout cas, elle sait ce que c'est que la scène, et puis la dramaturgie et la bonne réplique. Donc, en tout cas, pour ce qui la concerne, elle, c'est une réussite. Ouais. Est-ce que le rythme d'une comédie, de laisser le temps au public de rire, est important aussi? C'est-à-dire qu'il y a des répliques, les rires dans la salle, et on attend avant de jouer, et donc c'est un jeu à deux. Il y a des soirs où... Enfin, ça dépend du public, en fait. Ouais, ça change, donc il faut enchaîner, comme on dit, si ça ne rit pas. Et il faut laisser le temps de rire si ça rit. Donc ça, c'est ce qu'on découvre à la première, en général. Hein. C'est quand on a répété, on est un peu dans le vide, on se dit, bon, là, logiquement, ça devrait rire. Puis le jour de la première, il y a des bons, y a des bons publics. Ce qu'on entend souvent de la part de comédiens qui viennent à ce micro, on sent qu'il y a des bons publics et d'autres qui sont moins dans le coup. Ça se joue à deux? Oui, bien sûr. Oui. Mais le bon public, c'est un peu... C'est un public. Ouais, bah, c'est un petit mystère de savoir comment ça se fait que le même soir, il y a, je ne sais pas, 600 personnes parieuses qui sont venues en même temps. Elles ne sont pas téléphonées. c'est curieux, quand même. Ça se contamine. Oui, ça doit contaminer. Par contre, je pense qu'à l'inverse, dès l'instant où il y a une ou deux personnes qui se lâchent, entre guillemets, en termes de rire, ça donne comme un laisser-passer aux autres en disant « Ok, même temps, on le sait avant que ça commence. Ouais. Derrière le rideau, quand on entend parler, le niveau sonore des gens qui discutaillent dans la salle, ça joue. Tu sais que ça va être bon. Oui. D'accord. Que c'est des gens qui vont s'exprimer qui extériorisent. Ouais. Et sinon, le rideau avec les gens qui murmurent un petit peu comme ça derrière, c'est pas bon, là, ça va pas. Pas forcément. On parle beaucoup de théâtre, et c'est au Théâtre des Nouveautés, encore une fois, cette comédie, Le Syndrome de l'Écossais. En termes de cinéma, Thierry, vous serez à l'affiche le 9 novembre prochain de Ma famille, t'adore déjà. Quel rôle avez-vous? C'est le film de Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, je fais avec Marianne Chazelle. Avec Marianne Chazelle et plein d'autres acteurs. Et les rôles principaux, c'est Déborah François et Arthur Dupont. Et ça, les deux jeunes sont amoureux. Et elle amène son mec dans sa famille qui pourrait habiter à Saint-Cloud avec le maréchal, dans l'île de Ré. Voilà, ça a l'air super. Il y a Alison Miller dedans. Non, je ne suis pas dedans. Ah bon? Voilà. Elle a été coupée au montage, en fait. Non. Et vous l'avez vu, le film, ou vous avez juste tourné dedans? Non, c'est très marrant. D'accord, ouais, parfait. Ça rigole bien. Et le 1er février, Bernard Campan, vous serez à l'affiche d'un sac de billes. Ah oui. Christian Duguay. Vous êtes au courant Christian Duguay? Oui. Ah oui. C'est le 1er février, non? Ça sort le 1er février, avec Patrick Bruel et Doria Leclèche. Avec Patrick Bruel et Dorian, pardon. Ah oui, oui, Dorian, le Dorian petit garçon. Ouais. C'est l'adaptation du bouquin de Joseph Joffaut. Un sac de billes, ouais. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Ça va, Bernard ? C'est Christian Clavier, d'ailleurs, qui joue aussi dedans. D'accord, voilà. Très bien. Et en termes de cinéma, il y a un film qui est sorti hier qui s'appelle Le ciel attendra, que je vous conseille vivement parce que c'est un film qui est bouleversant de réalité. D'ailleurs, il y a une personne qui s'appelle Dounia... Bouzard, qui est dans ce film, qui joue son propre rôle, qui est une femme musulmane qui déradicalise les jeunes musulmans qui tombent dans les extrêmes et dans les influences de ces fous de Daesh. Qui c'est sont absolument pas forcément musulmans d'ailleurs dans le film, on c'est le voit ce qu'elle bien. Explique. Ce sont c'est deux formidable. Jeunes filles, deux adolescentes qui se font embrigader, qui adhèrent tout d'un coup au discours fanatique véhiculé par Internet. Et c'est dans ce film, il y a Sandrine Bonner, Zindine Zoualem. Il y a Yvan Attal aussi qui fait une participation et Clotilde Courrault. Clotilde Courrault, et c'est un très beau film. Voilà, et les deux comédiennes qui étaient d'ailleurs dans Les Héritiers aussi, ouais. le premier film de ouais, cette réalisatrice, dont j'ai plus le nom, mais enfin ouais. Qui est, voilà, c'est un Marie très Castille. Oui, mais c'est un nom composé. Oui, oui. Mention Char. Mention voilà. Char. Ouais. Bien joué, Alison Wheeler. Je vais être augmenté. Merci. Ouh, ou bah pas. Ça, ou pas. Déjà, quand ce sera payé, ce sera un problème. Le ciel attendra et Les Pépites, ce sont les deux films qu'on vous recommande d'aller voir. Deux bonnes comédies. Hein, vous allez bien vous marrer. Tu peux pas comprendre, c'est des films intelligents. Il y a Mercenaires aussi. Moi, je vous recommande Mercenaires. C'est un film sur les rugbyman. Un rugbyman qui vient de Wallis et Futuna et qui arrive en France pour être recruté dans un petit club du Sud-Ouest. Ça pose la question de comment on rompt avec son île d'origine pour venir en métropole, comment on est reçu, comment est-ce que... Tout le temps que tu prends là, ça sera sur ton brouillon que tu en fais gaffe. Ouais, je sais, mais c'est un très beau film. Donc il a commencé le brouillon. Il a commencé le brouillon. Continue. Oui, vas-y, ça m'intéresse. Je prends le temps. Mais j'écoute ma musique. Je kiffe ma life. Je me fais les ongles. Et Thierry. Il n'y a pas de raison. C'est le moment de culture. Je vous sors de la promo. Un petit bol d'air. On vous a recommandé des films, mais on va surtout apprendre à mieux se connaître. Un son pour commencer pour tous les deux. Est-ce qu'un producteur peut monter un projet en disant j'ai François Berléand dans le rôle principal ? Au cinéma ? Oui. Non. Et pourquoi vous l'affirmez comme ça ? Parce que je le sais. Parce que j'ai deux projets que j'aimerais faire, qui sont impossibles à monter, parce que c'est sur mon nom. Et donc j'ai dit au metteur en scène, au réalisateur, j'ai dit, mais prends un autre acteur, parce que avec moi, tu n'y arriveras jamais. François Berléand, qui était dans cette émission il n'y a pas longtemps, pour nous parler de sa pièce Moi et François ouais. B. Thierry, en 2010, vous aviez déclaré « Je vis dans un univers privilégié, moi qui suis une ex-vedette de cinéma ». Bah oui, c'est la vérité, je vais pas pleurer. Ex-vedette, est-ce que c'est... Bah c'est ce que disait François. Il y a un moment où c'est comme ça, les gens veulent faire des films avec toi et le ouais. nom suffit, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment vrai, pour monter un film. Et puis, il y a des moments où c'est plus le cas. C'est ce que dit François, c'est ce que je dis, c'est ce que je voulais dire là-dedans. Là. Et en 2013, il y a eu Quai d'Orsay. Est-ce que là, ça a été une forme de renouveau aussi, tout d'un coup vous Non, vous mais incarniez... on peut vous proposer des beaux rôles, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut monter le film en disant il y a un film avec un tel ? Non, c'est plus le cas pour moi. Berléand, je ne sais pas si c'est... C'est un escroc, Berléand. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, c'est récent, c'est récent. C'était il y a 15 jours. Et vous, Bernard, c'est une question que vous vous posez aussi ? Ça n'a jamais été le cas, moi. Ça jamais été c'est le pour cas. Un court-métrage, peut-être, mais... Quand c'est gratuit, on peut monter le film sur votre nom, c'est ça ? Voilà. On poursuit avec un autre son pour tous les deux. Alors, chérie. Oui ? Alors, grâce à moi, tu te cultives. Oui. Tu sais ce que c'est qu'une pièce de Molière, maintenant ? Ah ouais, c'est vraiment bien. Je suis contente que tu m'apprennes tout ça. Ah oui, c'est bien. Je sais pas, j'aimerais bien rencontrer l'auteur. Quelle est belle, comme s'il avait le temps de te recevoir. Alors, t'as aimé? T'as aimé, j'ai jamais rien vu d'aussi chiant. Même les comédiens sur le plateau se sont endormis, mais tu rigoles, hein? C'est un extrait d'un sketch qui remonte à 83 avec Michel Bernier. Il y a aussi un Oula. Certain Didier Bourdon. Ah, c'est au Théâtre de Beauvoir. Un certain Seymour Bruxelles et aussi Bernard Campan. Où vous imaginez la réaction des spectateurs après un spectacle. Justement, les critiques qui ont pu paraître à l'issue de votre première salve de représentation. Ouais. Comment vous les prenez? J'ai pas compris. J'étais dans ce sketch là, un sketch. C'était un sketch dans lequel j'étais. Ouais. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça va en ce moment, Bernard? Ouais. T'as reconnu ta voix? Moi, j'ai reconnu la voix de Didier. C'était plus loin après. Voilà, on a pris qu'un petit extrait. D'accord. Non, mais je me souviens pas du tout. Et alors, comment vous avez accueilli les premières critiques du syndrome de l'Écossais? Ben, je sais, pas, les vous critiques, lisez pas c'est. Non, j'en ai pas vu une, moi, de critique moi non plus, du syndrome. Non. Sans rire, hein, c'est vrai, je crois que. Je sais pas si on en donc a vous eu. Donc, vous ne voulez. Il y en a eu, retour des gens, des proches, voilà, mais pas de, de critiques. Donc, vous ne voulez pas les lire. Non, j'ai lu aucune. Non. Moi, je veux bien, si on me donne une critique, mais je ne suis pas allé les chercher. Mais ouais. Mais sur les affiches, en tout cas, dans Paris, enfin, y avait meilleur, peut-être France, y a des petits extraits. Des petits bouts, peut-être. Ouais, des petits bouts, ouais, ouais. Oui, donc il y a eu plein de papiers sur la pièce. Non, c'est marrant. Donc, vous êtes au-delà de même des articles, ah non, vous regardez au-delà. Pas. Non, non, non, une mauvaise critique, ça fait mal, mais, non, non, je sais pas. J'ai pas vous n'avez pas eu connaissance. Ouais, ouais. Et on finit avec un petit son pour vous, Thierry. On est frères de tortue. C'est comme des gabins, quoi. À un moment, on a marqué le coup, mais on avait décidé de se faire le même tatouage au même endroit, sur la fesse. Et donc, quand si l'un appelle l'autre à n'importe quel moment du jour de la nuit et qu'il lui dit frère de tortue, l'autre ne pourra pas refuser. Voilà, ouais. C'est est-ce comme à moi la Légion. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Ouais. Hein, ah, exactement. Michel connaît ça. Ouais. Belle référence. Voilà. À moi la Légion, bah, c'est pareil. Frère de tortue, j'arrive. Et alors, voilà. Il y a eu déjà eu récemment des appels frère de tortue. Non, là non, non, il n'y a pas eu, mais il faut être prêt. On appréciait que c'était Patrick Timsit. C'était Patrick Timsit, vous êtes fait tatouer la même tortue au même endroit de votre morphologie pour sceller votre amitié. Vous imaginez Bernard faire un truc comme ça et si oui, avec qui et, non, moi, je et quoi déjà voir la tortue de, de Thierry. C'est sur la fesse. Mais ils ont une devise, ce qui est tatoué est à moi. Ah non, ben bon. C'est excellent. Ça ne mange pas de pain. C'est le maréchal qui me l'a soufflé. Au passage, comme ça. Non, ben, je sais pas. Non, non, moi, quelqu'un j'ai pas... avec qui vous pourriez faire ça. Je suis avec plein d'amis, peut-être. Si vous aviez un animal. Ah non, attention, ça ne se fait pas n'importe qui. Ah, voilà, là, il faut venir quand on dit à moi frère de tortue, il faut le trouver. Quand il y a la fesse qui est en jeu, il faut trouver l'équivalent. Si vous aviez un animal à vous tatouer sur la fesse, vous auriez choisi une tortue ou un éléphant. Ah, il y a la place. Et j'en termine avec un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Bernard, je vous offre Écoutez nos défaites. C'est le dernier roman de Laurent Godet qui manie toujours le style épique avec brio. C'est l'histoire d'un homme qui est un agent secret qui est un peu fatigué des missions qu'il mène. Et il va, Laurent Godet, mêler à cette histoire contemporaine les campagnes d'Hannibal marchant sur Rome, le général Grant écrasant les confédérés. C'est un livre quelque part archéologique avec toutes les strates qu'il révèle. C'est écrit dans une langue toujours aussi belle et puissante, stylée, à plein d'endroits un peu jazzé. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et merci. Voilà, il était là pour la rentrée littéraire. Et pour vous, Thierry, je vous offre le carnet scientifique. Le journal de Mickey. Mais non, à colorier. Je vous offre le carnet scientifique de Mathieu Vidard, notre cher et tendre confrère qui anime tous les jours sur Inter La Tête au Carré, émission qui a fêté ses 10 ans. Vous aviez été reçu, c'est publié chez Grasset, pardon. Vous avez été reçu dans l'émission de Mathieu. Et c'est un bouquin assez génial, même moi qui n'ai pas forcément la fibre scientifique, qui recense plein d'éléments, de connaissances sur, je ne sais pas, si vous voulez connaître la liste de tous les Nobel, dans quelle catégorie, si vous voulez savoir le poids de toute l'humanité réunie. Ça, ça me manque, ça. Ouais. Tu le vends bien. Les animaux les plus venimeux. Les animaux les plus venimeux. En fait, il y a plein d'entrées dans ce carnet scientifique. Ouais. On va le lire, tu sais, laisse tomber. Non, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pour Thierry, parce que Thierry s'y intéresse et Thierry est respectueux. Mais Thierry est un scientifique. Voilà. Thierry, quelqu'un et puis parce que je suis heureuse de vous offrir le bouquin de Mathieu Vidard. Bah, merci. Que j'aime beaucoup. Ah, voilà. Des excuses à présenter, Daniel Morin. Évidemment. Désolé pour la jeune fille qui se plaignait pardon, de ne pas avoir goûté de Thierry l'Ermite. Eh ben voilà, jeune fille, il a compris, il vous attend en bas de la maison de la radio ce matin et malgré l'heure matinale, il a l'air très en forme. Désolé pour Thierry cette fois qui n'a pas pu entendre son titre fétiche, son titre préféré. Voilà, il l'avait demandé dans sa bande originale, mais on a fini par le retrouver, c'est cadeau. Et quand il pète, il trouve son stupeur. On n'avait pas eu le temps de repasser, je suis désolé. Ouais, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours ça plaisir. Quand on m'appelle, toi. C'est un petit hymne de la tortue qui essaye de sortir, peut-être. C'est ma sonnerie de téléphone. C'est Cartman. Ah, je comprends. Et désolé enfin pour Nagui qui n'a pas pu poser la question qu'il voulait à notre spécialiste psy sur le changement de vie. Christine, si vous nous écoutez encore, Nagui voudrait savoir comment devenir grand, viril et pauvre. Comment peut-il faire? Merci, salopard. C'est au théâtre des nouveautés, ça s'appelle le syndrome de l'écosystème. Merci Bernard Campan, Thierry Lhermitte d'avoir pris le temps de venir. Puisque tout à l'heure, puisque j'ai la chance d'avoir le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale présent. Moi-même. Pardon ? Toi-même ? Oui, oui, mais je parle même. Moi, je ne me reçois pas. Thierry, je rappelle que le Taratata dont tu parlais avec Christophe Maé et... Yann Romanoff ? Et 38 artistes passera sur France 2 en octobre et que l'argent récolté lors de ce concert va à la Fondation de la Recherche Médicale. Voilà qui est dit. On retrouve Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonjour Philippe. Oui, salut Nagui. Et Lisette d'ailleurs. Taratata, pas de salisette. Et un film avec Thierry Lhermitte, Bernard Campan, moi je prends, vous parliez des c'est Bankable. Bankable, mais évidemment c'est Bankable. Ah ouais. Même on pourrait mettre Berléans dans un petit rôle secondaire comme non, mais c'est vrai, non, c'est pas Berléans. Non, avec François Berléans. Non, non, on a dit que des bons comédiens. Ben oui, justement. Que des comédiens tout court. Salut les amis. Salut, bon week-end. Ciao. À demain. Le mec. On en parle. Les conseillers des points rénovation InfoService, mis en place par les pouvoirs publics, peuvent vous aider pour vos projets de rénovation énergétique. On en parle dans un instant. Les éditions Radio France présentent Allons aux fêtes, le nouvel essai de Régis Debray. Sortir du flou et aller aux fêtes, tel est le pari du philosophe dans ce livre qui clarifie le sens des mots, histoire et religion. Une synthèse éclairante et dérangeante. Allons aux fêtes de Régis Debray, un livre France Culture. France Culture, une radio de